Chapitre 5e, un mot en amène un autre. Au ministère de la Justice, Toto a pris une nouvelle qui le cloua sur place. Il y avait 6 mois que Mathurin Sordet s'était évadé du bagne. Le fonctionnaire qu'il avait reçu, sur la simple présentation de sa carte, lui annonça cet événement avec le plus aimable sourire et il ajouta « Les rives de la Guyane sont peuplées de requins. Le forçat Sordet avait construit une barque à laquelle il s'est confié avec 3 de ses camarades de chaîne. L'évasion a été connue presque immédiatement et un aviseau à vapeur a fouillé la baie. Nulle trace du canot n'a pu être trouvée. Il est certain que les hommes, inhabiles au maniement des rames, ont capoté et sont devenus la proie de ces monstres marins, tandis que la barque, maladroitement construite, coulait à pic. » Et il ajouta, avec le petit dandinement administratif d'un homme satisfait, « Vous savez, il n'y a pas grande perte. » Est-ce que ce Sordet s'était mal conduit au bagne? De la façon la plus détestable. Je ne devrais pas vous confier les secrets des rapports de la colonie, mais pour vous, monsieur Fouinard, je manque à mes devoirs. Ce Sordet était le pensionnaire le plus indécrottable, passez-moi l'expression, de l'établissement pénitentiaire du Maroni. Bavard, vantard, hâbleur, imbu des théories les plus subversives, ne s'était-il pas avisé de convertir les forçats à ses doctrines révolutionnaires, leur prêchant la révolte contre les lois sociales les plus sacrées? Vous me comprendrez sans que j'insiste. Vous savez ce que sont les rêves anarchiques des pires utopistes. Insolent avec l'autorité, insensible au châtiment, jouant l'héroïsme, impudent contenteur de la hiérarchie, cet homme a été le fléau de la colonie. On a essayé de le réduire à l'obéissance par tous les moyens. Douceur, violence, tout a échoué. Croiriez-vous, monsieur Fouinard, que jeté dans une fosse, les fers aux pieds et aux mains, et soumis pendant 8 jours au jeûne et à l'ardeur d'un soleil tropical, cet homme, à peine délivré par l'indulgence de l'inspecteur, a eu l'audace de l'insulter et de lui cracher à la face? Et savez-vous ce qu'il donnait pour prétexte à ses brutalités, à ses révoltes? C'est qu'il était innocent. Innocent, lui, un assassin. Heureusement, il est mort, et bien mort. Bonne économie pour le budget. Toto sentit sa canne frétiller sous ses doigts. Il sortit et dégringola l'escalier. Sordet était mort. En vérité, Toto avait reçu le coup en pleine poitrine. Quoi? Ce malheureux, qui n'avait pas voulu plier sous l'iniquité, qui s'était révolté contre la hideuse fatalité qui l'écrasait, cet homme, à qui on ne reprochait aucun acte délictueux, sinon son éternelle protestation d'innocence, cet homme, à l'heure même où il faisait une tentative suprême pour reconquérir sa liberté, pour s'échapper de la tombe où il avait été enseveli vivant, avait péri d'une mort subite, atroce, et peut-être, dans un râle d'agonie, avait-il jeté son dernier cri « Innocent, innocent !» Et pendant ce temps-là, il y avait à Paris, quelque part, un homme, un bandit, aux mains sanglantes, qui avait assommé une pauvre femme à coups de marteau, et qui était libre, et qui vivait peut-être la vie de tout le monde, qui riait, qui allait au théâtre, qui buvait et mangeait, et à qui on donnait la main. « N'est-ce pas, Justine ?» disait-il en lui serrant son bec de nickel à la faire crier. « Tant que nous aurons une poitrine qui respire, des yeux qui voient et des oreilles qui entendent, nous chercherons cet assassin, et nous le ficherons la patte dessus. Pas vrai, Justine? Et pour commencer, prenons l'omnibus Panthéon-Courcelles. » En moins de 3 quarts d'heure, montre en main, Toto arrivait à la place Courcelles, piquait droit devant lui, atteignait la porte du même nom, puis la route de la révolte, s'orientait, visait le numéro 42. Et n'y trouvait qu'un marchand de vin, qui s'appelait Planchard, et qui ne ressemblait nullement au malvat qu'il venait chercher, et qui s'intitulait naguère négociant en chiffon. Après s'être convaincu qu'il ne se trompait pas, Fouinard rentra délibérément dans le débit où une grosse femme rinçait des bouteilles. Avec son meilleur sourire, il se fit servir un raspail. La mère Planchard, le trouvant gentil, lui sourit à son tour. Toto lui raconta une histoire. Il arrivait de son pays. On lui avait recommandé de venir boire un gros marchand de chiffon et de ferraille qui demeurait 42 route de la révolte, un nommé Malva. La débitante bondit de son comptoir et courut à Toto. « Malva? Vous avez dit Malva? Ah ça, mon petit, est-ce que par hasard vous seriez de sa bande ?»« De sa bande ?» répéta Fouinard presque interloqué. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« La bande à Malva, bande de quoi, de qui ?»« Bande de filous, de crapules, de bandits comme lui. » Et c'est à moi que vous venez parler de Malva, qui m'a volé, grugé, estampé. Chère madame, reprit Toto à qui tout son sang-froid était revenu, J'ai eu l'honneur de vous dire que je ne connaissais de ce malvat que son nom. Et si des gens du pays m'ont adressé à lui, ça n'est pas ma faute. Ça m'étonne tout de même qu'il y ait des gens dans son pays ou ailleurs pour lui envoyer un honnête jeune homme, comme vous avez l'air. Raison de plus pour me renseigner et m'empêcher de tomber dans ses griffes. Ça, c'est vrai. Eh bien, mon petit, d'abord, Malva n'a jamais été un gros marchand de n'importe quoi. Chiffon, ferraille. Dites un vagabond, un gratteur de ruisseaux, un rabouilleur qui ne demande qu'à ne rien fiche de ses 10 doigts et à se saouler. Une jolie pratique, vrai, et que je le connais, moi qui suis établi ici depuis 10 ans, et qu'il a logé si longtemps sans que j'aie jamais pu voir la couleur de son argent. Ah, vous le connaissez depuis si longtemps que ça? Et je ne m'en vante pas. Voyons, maman, fit Fouinard, prenant sa bonne figure de gamin. Faut pas me laisser dans la mélasse à barboter. Probablement que le vieux qui m'a donné l'adresse de ce malvat l'avait perdu de vue depuis longtemps, car le bonhomme, si canaille qu'il soit devenu, ne l'était pas tout petit. Alors dites-moi de quoi il retourne, et je m'en irai sans plus chercher après lui. C'est une bonne action que de me renseigner. Ben, mon petit, puisque tu le prends comme ça, je vais te dégoiser ça. Il y a donc de ça une 10aine d'années, ce malvat s'est amené chez nous. L'homme était dans la purée. Quelquefois, il semblait qu'il eût trouvé une aubaine. Alors les écus de 100 sous dansaient. Il ne dessoulait plus. Je commençais à en avoir plein le dos du personnage et mon mari, qui est chauffeur sur l'ouest et pas toujours commode, parlait de le ficher à la porte à coups de botte, quand tout à coup, il y a de cela dans les 6-7 ans, le malvat a dit qu'il avait fait un héritage. Alors les goûts de monsieur se sont élevés. Il a vécu dans le monde des chevaux, vous savez ce que je veux dire, avec des grooms, des palefreniers, des jockeys, et pendant 3 ans à peu près, on n'en a plus entendu parler. Bon débarras. Mais ce n'était que partie remise. On l'a revu ici, n'ayant plus le sou, traînant avec lui un tas de fripouilles, des apaches, quoi. Il avait l'air d'un vrai chef de bande. Moi, j'entendais pas que ma maison, qui est fréquentée par des ouvriers honnêtes, passât pour un repère de brigands. Alors je lui ai signifié son congé, même qu'on s'est cogné un peu pour le mettre dehors. Et j'avais rudement eu du nez, car quelques mois après, on m'a dit qu'il s'était fait prendre dans une affaire de cambriolage et qu'il était au clou, voilà. Oh, combien je vous remercie, madame. Ça aurait été du propre que je me mette dans ce monde-là. Mais dites-moi, quand il y a 6-7 ans, il avait de l'argent, vous ne savez pas d'où il était venu? Pour ça, motus, je ne parle que de ce que je sais. On m'a bien raconté des histoires, qu'il avait été mêlé à une mauvaise affaire et qu'on l'avait payé pour je ne sais quelle vilainie. Même après, on disait qu'il faisait chanter quelqu'un, un monsieur de la haute. Fouinard ne pouvait pas questionner davantage sans se trahir. Il remercia, paya et sortit. Ma petite Justine, dit-il à sa canne en montant dans un tramway, nous ne sommes guère plus avancés. Pourtant, il y a une lueur, le mot chantage. Mais maintenant, c'est assez tourné autour du pot. Allons au pot lui-même, c'est-à-dire vers celui qui est au centre de l'affaire, chez le grand savant Boisselin.